janvier. Je ne dirai pas non, je ne dirai pas oui, je dirai donc peut-être. Février. Pour amoindrir mon errance, affaiblir ma souffrance, pour un peu vous connaître. Mars. J'ai eu beaucoup de chance dans ma pénitence, la chaleur d'un regard. Avril. À la fin des vacances, sur le quai d'une gare, gare à vous, gare à moi. Mai, juin. Il a fallu attendre la venue du grand froid. Il fallait même étendre la longueur du célibat. Je ne fais que septembre, je construisis ma muraille. Il faut bien qu'elle s'en aille loin des yeux, loin de moi, en louant la grisaille. Octobre. Octobre fait naître le sens juste au-dessus du miroir. Novembre. Il a fallu attendre grand froid. Il fallait même étendre la longueur du célibat. Je ne fais que comprendre la face cachée de cet état. Mais pourquoi est-ce en novembre que la tendresse se déploie? La tendresse se déploie.